Il y a quelques jours, au hasard d'une balade, je suis passé devant chez toi. J'ai un peu sursauté quand ton chien aboyait. On se connaissait pas, tu ne m'avais pas présenté. Derrière sa rage, c'est lui qui avait peur que je vienne contre lui, alors il a pris les devants. Que m'aurait-il fait si je lui montre mes dents? Dans son univers, ça ne se peut même pas. Bien après mon passage, je l'entendais encore. Il a mis bien du temps à se remettre de cet accro. Il ne s'est même pas dit, j'en fais un peu trop. Sain et sauf dedans, si je reste dehors. Il a repris son souffle et il s'est ressaisi. Nom d'un chien, est-ce qu'il a vieilli? Il faut qu'il anticipe, toujours prêt à bondir. Sinon il perdrait là le sens de sa vie. D'avoir à sa barrière un tel dévouement. Mais quelques temps plus tard, dans le journal du soir, j'ai lu ta triste histoire, si banale. Et pourtant, dans ta jolie maison, un jour pas comme un autre, marre de la routine, pédigré mal géré, ta petite veut jouer. Tant le sucre ne reprend, le médor qui s'agace, et donc un fait divers, un de plus. Quand je repasse devant chez toi, ton chien n'aboie plus. Les volets sont fermés.